je vendais des pâtés d'amour aux chiens pour 3 fois rien. Pâtés d'amour aux chiens. C'était du porte-à-porte, du coûte que coûte, pour vendre du pâté aux chiens sur la route pour 3 fois rien. Fraîchement préparé, avec beaucoup d'amour, avec de la purée, avec beaucoup d'amour. Drôle d'époque pourtant, que c'était bien, la clientèle était fidèle. Du pâté aux chiens, la clientèle était fidèle. À l'époque, je baladais les gants de cuir aux mains pour pas me salir, pas me trahir dans les coins, les odeurs. Dans les ruelles, étranglement de rumeurs, au cas où l'humeur change. Sortez couvert, sous couvert de diplomatie. Côté commercial se déshabille pour vendre du pâté d'amour aux chiens.